Ndikomanyanga. Eruku Imane de l'autre côté de la vitrine, bienvenue à ce journal et donc voici d'abord le sommaire. Le HCR dément les informations faisant état de la fermeture des camps des réfugiés burundais en Tanzanie. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, cette agence des Nations Unies reconnaît néanmoins n'avoir reçu jusqu'à fin avril que 13% des 114 millions de dollars américains nécessaires pour protéger et assister ces réfugiés. Et des longues files d'attente de véhicules s'observent depuis 5 jours devant la station service de Wuhiga. Car aussi le carburant y est disponible, mais les pompes sont en panne. Cette explication ne convainc pas les consommateurs. Et dans la chronique judiciaire, nous vous proposons une deuxième partie sur l'action récursoire. Aujourd'hui, le directeur du Centre de formation professionnelle de la justice burundaise nous dira que la défense des intérêts de l'État revient aux avocats de l'État. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page coopération. Les présidents burundais et rwandais devraient s'asseoir de nouveau pour renouveler les relations entre les deux pays. Répondant aux questions des journalistes ce jeudi, le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burundi rappelle que les bonnes relations entre les pays limitrophes sont pour promouvoir d'entraides bilatérales. Suivez-le dans cette traduction d'Aaron Douayetsu. Always eager to see neighbors talk to each other and engage in a constructive way. C'est agréable de voir les voisins dans une conversation constructive. Quand j'arrivais au Burundi, les frontières entre le Burundi et le Rwanda étaient fermées. Si ma mémoire est bonne, c'était en septembre ou en octobre 2022 qu'on a réouvert les frontières. C'est bien de voir les voisins dans un dialogue. Nous souhaitons voir le Rwanda et le Burundi continuer le dialogue et les tensions entre ces deux pays diminuer. Nous avons vu le président Paul Kagame venir au Burundi en 2023 dans une réunion. Ça faisait une longue période sans qu'un leader rwandais fasse une visite au Burundi. C'est ça le progrès qu'on souhaite avoir ces jours-ci. Il n'y a pas de relation sans dialogue. On doit s'asseoir ensemble pour discuter et trouver la solution. Jusqu'à maintenant, non. Le bon chemin d'atteindre une bonne relation, c'est de redialoguer pour trouver une issue au point qui leur oppose. Je vous le disais en titre, le Haut Commissariat pour les réfugiés n'a reçu jusqu'à fin avril que 13% des 114 millions de dollars américains nécessaires pour protéger et assister les réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien. Dans une déclaration sortie ce mercredi, après des informations faisant état de fermeture des camps des réfugiés burundais en Tanzanie, l'OCR fait savoir que 241 000 réfugiés, principalement originaires du Burundi, sont abrités par ce pays. D'autres détails de ce communiqué avec Mary Kanyang. Dans cette déclaration, le HCR dit être très préoccupé par des informations circulant dans les médias tanzaniens sur le retour des réfugiés burundais. Selon ces informations, les autorités tanzaniennes auraient décidé de fermer le camp de réfugiés de Nduta d'ici la fin de cette année, un camp abritant plus de 63 000 réfugiés, et que les services seront interrompus pour contraindre les réfugiés burundais à regagner leur terre natale, et que le statut de réfugiés cesserait pour ces réfugiés. Le HCR dit par la suite qu'il a rencontré le ministère tanzanien de l'Intérieur pour lui faire part de ses préoccupations et souligner la nécessité que tous les retours de réfugiés soient volontaires et conformes à l'accord tripartite Burundi-HCR-Tanzanie sur un retour volontaire des réfugiés en accord de mai 2021. Ce ministère a rassuré le HCR selon cette déclaration que les camps resteraient ouverts ouvert et que personne ne serait contraint de rentrer. Des dispositions de cet accord, selon toujours cette déclaration du HCR, définissent l'expansion de la sensibilisation et des conseils pour éclairer les décisions en matière de retour et que ces réfugiés burundais continueraient à bénéficier d'une protection internationale en Tanzanie. Depuis le début de cette année, plus de 4000 réfugiés burundais ont reçu une aide pour rentrer chez eux depuis la Tanzanie, poursuit la déclaration qui indique que depuis 2017, plus de 230 000 réfugiés sont rentrés au Burundi en provenance des pays voisins, dont plus de 168 000 provenant de la Tanzanie. Dans cette déclaration, le HCR exhorte le gouvernement burundais et la communauté internationale à investir davantage pour améliorer les conditions propices au retour au Burundi et garantir que les rapatriés puissent vivre dans la dignité et s'épanouir dans leur communauté. Actuellement, quelques 241 000 réfugiés, principalement originaires du Burundi et de la République démocratique du Congo, vivent dans deux camps de Nyarugusu et de Nduta. Au 30 avril de cette année, le HCR indique qu'il n'avait reçu que 13% des 114 millions de dollars nécessaires pour protéger et assister ces réfugiés en Tanzanie au cours de cette année. Merci Amérique Kanyang pour tous ces détails. Page éducation à présent. Les enseignants de l'école fondamentale de Muhuta, en commune Wuyengero de la province Rumonge, menacent d'arrêter le travail dès le 28 mai courant. Dans une correspondance adressée à l'administrateur communal de cette commune ce mardi, ces enseignants s'indignent contre l'inaction de l'autorité communale, pourtant sollicité deux semaines avant pour apaisement. C'est après que l'un d'entre eux ait été tabassé à l'école par un groupe de parents l'accusant d'avoir puni un écolier. Des parents jusqu'ici ne sont pas inquiétés malgré les menaces qu'ils continuent de proférer contre ces enseignants, selon leur dire. Jean-Pierre Misago, correspondance. Dans son préavis d'arrêt de travail adressé à l'administrateur communal de Bouyengero, les signataires disent s'indigner contre le silence de cette autorité communale sur une correspondance lui adressée le 7 mai 2024 pour solliciter son intervention sur un cas de la perturbation de la sécurité à cette école fondamentale. En effet, selon ces enseignants, leurs collègues avaient été tabassés et avaient failli même être étranglés à deux reprises à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre scolaire et a été sauvé d'abord par les écoliers et ensuite par les riverains de cette école qui ont dû cacher la victime de ces agresseurs qui l'ont réclamé, des agresseurs parmi lesquels un parent qui accuse cet enseignant d'avoir exagérément puni son enfant. À partir de cet incident et sur les informations qu'ils avaient auxquelles se sont ajoutés les mots de ces agresseurs que l'enseignant tabassé n'était pas celui très recherché, ces enseignants disent avoir sollicité l'intervention de l'administrateur communal de Bouyengero afin de traduire en justice ces agresseurs dont certains avaient été identifiés, garantir leur sécurité et les rétablir dans leurs droits. Mais en vain, deux semaines après, avant de sortir ce préavis, Étienne Adjalimana, administrateur communal de Wuyengero, reconnaît avoir reçu ce préavis ce mercredi. Il indique qu'il va les rencontrer très bientôt pour enquêter sur ce cas et arrêter des mesures conséquentes. Selon lui, un lieu public comme une école doit être respecté. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. La radio de l'avenir. Page justice à présent, 20 ans de servitude pénale et 10 millions de francs de dommages et intérêts, telles sont les sanctions que le tribunal de grande instance de Bubanza a infligées à une infirmière de l'hôpital de Bubanza pour avoir aidé une fille de la colline Chari 1 d'avorter. La fille en est morte. morte et cet infirmier a été arrêté. Il a été condamné après une semaine qu'il vient de passer en prison. La famille de la victime apprécie le jugement de ce procès de flagrance tenu l'après-midi de ce jeudi au tribunal de grande instance de Boubanza. Le tribunal de grande instance de Mukaza a décidé que Sandra Muhoza, journaliste de la Nova Burundi, reste en détention préventive après sa comparution en date du 6 mai dernier. Muhoza est détenue à la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril 2024. Elle est poursuivie pour des infractions, atteintes à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée le 13 avril cette année. Elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngouzi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. Et le journaliste Kenny-Claude Nduimana a comparu le 2 mai devant le tribunal de grande instance de Mukaza, détenu à la prison centrale de Mimba depuis octobre l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet 2024 et pour cause, son co-accusé dans cette affaire a été libéré provisoirement et ne s'est pas présenté à cette audience du 2 mai. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le manque de carburant est la principale cause de retard dans la collecte des déchets ménagers dans la zone urbaine de Nyakaviga. C'est du moins ce qu'explique le directeur commercial à la Bisico, la société qui est chargée de collecter des déchets ménagers dans les zones de Rohiro, Nyakaviga et Mgiza. Eric Nsabumukiza indique toutefois que malgré cela, ils ne peuvent pas accuser un retard de tout un mois sans passer dans les quartiers pour la collecte, alors qu'ils doivent exiger des paiements à la fin du mois. Il espère qu'avec la Sopebu chargée de la gestion du carburant, ils pourront facilement être approvisionnés car la doléance est déjà parvenu aux instances habilitées. On l'écoute. La question est connue de tout le monde. La raison est qu'il y a un manque criant de carburant. Et nos camions ne sont pas approvisionnés facilement, même si on a essayé de demander la permission au niveau de la mairie, quitte à ce que nos camions soient priorisés sur les stations de pompe. Mais la question perdure, comme vous le constatez vous-même. Mais l'administration, à la base, trouve qu'il s'agit peut-être d'un prétexte. Oui, il y a certains qui disent qu'il s'agit d'un prétexte. Mais sachez que dans ces derniers jours, à côté de ce manque de carburant, il y avait un problème très sérieux lié au site de déversement de ces déchets qui, pendant la saison des pluies, devient inaccessible et nos camions y passent 2 à 3 jours sans être déchargés. Et cela aussi, c'est un handicap non moindre qui, des fois, cause ces retards. Est-ce qu'avec la permission que vous avez aujourd'hui, vous pouvez passer tout un mois sans être servi en carburant? Je dirais qu'on peut passer un mois sans collecter les déchets. Il y a des gens qui le disent, certains à tort et à travers, ou bien d'autres qui constatent, oui, qu'il y a eu un retard, mais qui exagèrent. Ces clients que nous avons possèdent des cahiers de ménage. Et des fois, quand nous passons, signons dans leur cahier de ménage, maintenant même où on se parle, le maire de la ville de Bujumbura a déjà adressé une correspondance au ministre chargé dans ses attributions du carburant. Le ministre a déjà adressé une correspondance à la société Sopebu qui est chargée de la gestion du carburant maintenant. Les deux lui ont demandé de nous octroyer une station à laquelle nous pourrons trouver facilement du carburant ou bien nous pourrons nous abonner, quitte à ce que nos camions reçoivent facilement du carburant. Eric Sabumukiza a été au micro de ma consoeur Francine Ndokougaï. Certains habitants de la zone Nyakabiga se sont plaints sur nos antennes, comme quoi ils viennent de passer plus d'un mois sans que la société de collecte et de décharge des déchets ménagers ne vienne les emporter. Le chef de zone Nyakabiga avait lui aussi indiqué que la société chargée de cette tâche se cache derrière le problème de manque de carburant pour ne pas honorer ses engagements, tout en tranquillisant qu'il va prendre en main cette question. Cap sur Car aussi, où plusieurs véhicules viennent de passer 5 jours garés devant la station-service de Wuhiga pour être approvisionnés. Le gérant de cette station-service confirme que du carburant est disponible, mais que les pompes sont tombées en panne et attendent leur réparation qui devrait intervenir ce jeudi ou vendredi. Mais cette explication est loin de convaincre les propriétaires de ces véhicules qui voient de la pure spéculation. Les détails dans cette correspondance de Blaise Pascal Kararoumi. Ces véhicules, dont la plupart d'entre eux sont des véhicules de type Probox qui assurent le transport des personnes, viennent de passer 5 jours garés à la station-service de Wuhiga dans la province Kalusi et sur de longues files. Ils attendent d'être servis d'essence depuis samedi de la semaine passée. Le responsable de cette station-service confirme que le carburant de type essence y est depuis ce samedi et explique que les pompes sont tombées en panne lorsqu'il commençait à servir ces véhicules ce même jour. Certains des propriétaires de ces véhicules déplorent que la période devient longue attendant la réparation de ces pompes. Et le responsable indique que le technicien et les pièces nécessaires pour la réparation sont attendues pour ce jeudi, au plus tard, indique-t-il, demain vendredi. Il fustige cependant l'opinion de certains des propriétaires et chauffeurs trouvés sur place qui parlent de la stratégie de spéculation. Les sources sur place signalent que la station venait d'être approvisionnée du carburant de type essence d'environ 10 000 litres. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique justice. La défense des intérêts de l'État revient aux avocats de l'État contre les mandataires ou préposés de l'État ou d'une commune qui ont commis une faute engageant ces institutions. Le directeur du Centre de formation professionnelle de la justice précise que l'affaire est mise devant la cour administrative. Édouard Minani explique qu'une telle instance intervient principalement auprès de dédommagement des victimes de la faute qui aurait été commise par ses mandataires ou préposés. Les détails dans cette chronique avec Alain Désiré Boukienet. Nous avons parlé dans la précédente chronique de l'action en justice, dite action récursoire, dirigée contre un mandataire ou préposé de l'État ou d'une commune qui commet une faute engageant ses institutions. La loi irrelative de 2014 précise que cette action succède surtout celle d'un citoyen ayant obtenu gain de cause pour le dédommagement de ses préjudices. Les précisions sont du directeur du Centre de formation professionnelle de la justice. Le tiers qui est lésé par la faute du préposé du mandataire agit contre le mandataire directement. Mais comme l'État est là, l'État intervient pour couvrir son mandataire dans un premier temps. Et l'État dédommage le tiers lésé par le versement d'une certaine somme. L'État se retourne contre son mandataire ou son préposé pour que la somme déboursée lui soit remboursée. Les intérêts de l'État sont défendus par ses avocats du service des affaires juridiques et du contentieux. Après une requête introduite par le ministre de la Justice, saisie par les représentants des communes ou institutions étatiques, et la compétence pour ce cas est réservée à la cour administrative. L'État, la commune, porte plainte en justice. Même l'État porte plainte en justice, à travers surtout le ministère de la Justice. Et c'est M. Justice qui a introduit la requête auprès de la cour administrative pour la réparation de dommages. Et ce sont les avocats de l'État qui interviennent pour défendre les intérêts de l'État.